15-20, activation, dictée, promenade. Écoutez et complétez. 1. Fido, un décomplexe. Tante Georgette l'amène chez le psychiatre. 2. Il fait trop froid. Tante Georgette ne veut pas promener Fido au Luxembourg. 3. Fido veut rentrer à la maison. C'est lui qui mène Tante Georgette, et elle le suit. 4. Il fait beau. Tante Georgette et Fido se promènent au Luxembourg par une belle matinée de printemps. 5. Tante Georgette doit partir en voyage. Elle ne veut pas laisser Fido seul. Elle l'emmène avec elle aux Bermudes.